encore du mal à mettre en guise. J'ai encore du mal à mettre en guise. Sur mes TP, t'es gain de bandit. Sur mes TP, t'es gain de bandit. T'aimes le luxe et les gars dit comme dandy. C'est les gars dit comme dandy. Et la mica, elle écoute tout l'aile sans dit. Elle écoute tout l'aile sans dit. Elle voulait me parler, je lui ai dit bye bye. Je l'ai doublé sur le boulevard bye. Je fais pas de la boxe, je fais pas de la taille. Mais je trempe dedans, peu importe la taille. Toujours dans le top et ouais, ma taille. Mais je représente toujours les racailles. La petite perte aux clés sous la raille. Rien que ça déraille pour la maille. Ça complique comme des Yamakasia. Camoufle sa guette assia. Ne crois pas que je t'en voudrais pas si. Tu donnes l'adresse, ma zio. Ah, ça y est, toi maintenant que t'as ça. T'es pas ça. Sur terre, on est de passage. Tu souffres quand t'es passage. Encore du mal à mettre en guise. Sur mes TP, t'es gain de bandit. Sur mes TP, t'es gain de bandit. T'aimes le luxe, c'est les gars dit comme dandy. C'est les gars dit comme dandy. Et la mica, elle écoute tout l'aile sans dit. Elle écoute tout l'aile sans dit. J'cours pas derrière le pif. J'nique tout, j'fais ce que j'kiffe. Non, j'vais pas te mettre des gifles. Mais m'appelle plus la mif. J'ai besoin d'être ailleurs. De lever le Pfizer. Ça me lance des pics, c'est pas beau. T'es content, mais bravo. La tête dans le sac à dos. Le soleil frappe sur le bateau. Tu tapes trop la coque, gros mollo. Tu pourrais te prendre un gros moulon. Toute la soirée, t'as fait le pigeon. Tu l'as ramené jusqu'à Toulon. Cramé jusqu'à Paname dans les restes. Plaqué 13 mèches blondes au clé. Mais j'ai envie de tirer par les traits. J't'aime quand tu fais les plaques, les cheveux bouclés. Ouais, j'bois un peu de rosé. Prêt à avoir négocié. Ouais, j'mets ma tête dans ses grossets. C'est grossier. Quand c'est du tout, faut que tu bouges ton boule. Ça gratte, ça se fait des ampoules. J'évite les gens fous, j'évite les gens cool. J'fais le 3 à la bouche, fume derrière à la cagoule.